Nous partons pour une île qui s'appelle Jamaïque, au pays des Rastas. Nous partons loin des villes, dans ce pays magique. Pour nous, c'est l'aventure en chanson. C'est Pancho Rancho qui hisse le drapeau, et puis la compagnie vous embarque loin des soucis. Amé, amé. Jamaïque, Jamaïque. Jamaïque, Jamaïque. Embarquez tout le monde, on fait le tour du monde en chantant ce refrain. On est toujours tranquille, sous l'eau le soleil brille. Pour nous c'est l'aventure en chanson. C'est Pancho Rancho qui hisse le drapeau, et puis la compagnie vous embarque loin des soucis. Amé, amé, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque. Nous voilà sur cette île qui s'appelle Jamaïque, au milieu des Rastas. Le monde a le sourire, la vie est plus facile. Pour nous c'est l'aventure en chanson. C'est Pancho Rancho qui hisse le drapeau, et puis la compagnie vous embarque loin des soucis. Amé, amé. Jamaïque, Jamaïque, Jamaïque, Jamaïque. Il faut faire la route, d'autres pays sans doute attendent nos chansons. Au loin les oiseaux chantent, les vagues bleues s'enroulent. Nous partirons demain au petit jour. C'est Pancho Rancho qui hisse le drapeau, et puis la compagnie vous embarque loin des soucis. Amé, amé, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque, oh, oh, oh, oh. Jamaïque, Jamaïque.